La science CQFD, Natacha Triou. C'est une découverte archéologique majeure, celle d'un vaste réseau urbain vieux de 2500 ans en plein cœur de la forêt amazonienne. À quoi pouvaient ressembler ces cités antiques ? Que depuis les années 90 que l'on découvre que la forêt d'Amazonie fut autrefois habitée. Début janvier, une équipe a révélé la plus grande et la plus ancienne agglomération amazonienne connue à ce jour, le site archéologique de Sangay, dans la vallée de Lupano, en Équateur. Le LIDAR, cette technologie de télédétection, a fait apparaître un urbanisme complexe et des cités-jardins conçus en damier en pleine jungle tropicale. De quoi enterrer une bonne fois pour toutes le fantasme occidental de la forêt vierge. Amazonie, les mystérieuses cités d'Orme. Stéphane Rostin, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Archéologie des Amériques et le co-auteur de l'étude parue en janvier dans la revue Science, aux côtés d'Antoine Dorizon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue spécialiste de la télédétection LIDAR au laboratoire Archéologie des Amériques et dans l'équipe d'archéologie environnementale. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez en direct derrière votre poste ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous écouter tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. Vous y trouverez plein de ressources complémentaires. C'est tout de suite sur notre fil @sciencecqfd. Alors comment s'est fait cette découverte? Qu'est-ce que la technologie LIDAR et comment fonctionne-t-elle? Qui étaient les habitants de la vallée du Pano? Et ce qui a été découvert n'est-il pas que la partie émergée de l'iceberg de ce que l'on pourrait trouver en Amazonie équatorienne? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Alors pendant longtemps, tout le monde était convaincu que cette forêt était inhabitable. Le film The Lost City of Z de James Gray en 2016 aborde cette question d'une forêt amazonienne vierge avec un personnage qui, lui, ne croit pas à cette vision des choses. C'est toi l'explorateur? Donne-moi ta main. Je suis à la recherche d'une cité perdue. Ce que tu cherches dépasse de loin tout ce que tu as pu imaginer. Là est ton destin. À ton retour, il ne sera plus qui tu es. Je sais que c'est un sacrifice pour nous tous. L'environnement est d'une hostilité violente. Ce voyage pourrait bien vous coûter la vie, mais vous permettrait de réhabiliter le nom de votre famille. Il n'y a personne qui revient de là-bas. La peur n'a jamais gouverné notre vie. Qu'est-ce que vous espérez accomplir? Si nous venons à découvrir une civilisation cachée, là où nous considérions que c'était impossible, cela pourrait ouvrir un chapitre inédit de l'histoire de l'humanité. Je l'ai nommée Z. Elle existe. Et notre devoir est de la trouver. Voilà l'histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle. Finalement, Stéphane Rostin, l'histoire lui a donné raison? Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'il cherchait l'Atlantide. Et c'est vrai que Fawcett, qui a fait beaucoup parler de lui, surtout en Angleterre, la science est à Fawcett ce que l'eau est à l'huile. Ça se mélange pas vraiment. Il était persuadé que l'Atlantide était au milieu de l'océan de verdure qu'est l'Amazonie. Et il y croyait tout ce qu'on lui dit. Tout ce qu'on lui disait, il partait bille en tête, c'est ce qui a causé sa perte finalement d'ailleurs. Et alors les autochtones avaient tendance à lui dire, ici il y a pas d'or, mais alors chez nos voisins ennemis à 30 km, il y en a plein. Et il y allait. Il a fini par tomber sur des gens qui l'ont assassiné. Et donc c'est une épopée, il faut saluer son obstination. Mais il avait reposé sa recherche, comme souvent d'ailleurs les explorateurs de l'inutile ont tendance à ne rien trouver parce qu'ils partent sur des a priori, des légendes et ils se convainquent eux-mêmes de leur réalité. Donc ils cherchaient une ville, nous on n'en cherchait pas à vrai dire. Moi j'ai fait mon travail d'archéologue au début, j'ai commencé il y a 25 ans dans Lupano, j'avais travaillé longtemps en Guyane avant et j'ai commencé à travailler, à faire des fouilles sur ces monticules, qui sont pas exceptionnels, les monticules en eux-mêmes en Amazonie. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des monticules, mais pas sous cette forme, pas rectangulaire en tout cas. Et j'ai fait un travail. La révélation, elle est finalement assez récente. C'est quand on a obtenu les images LIDAR en 2021 et qu'en regardant avec Antoine d'Horizon ces images, tout d'un coup a été révélé un paysage entièrement anthropisé, un paysage qui avait été modifié par les humains il y a 3000 ans. Et tout d'un coup, toutes les données qu'on avait eues sur le terrain, toutes ce que les fouilles nous avaient appris, finalement, a pris sens. On avait des pièces de puzzle et tout d'un coup, grâce au LIDAR, on a pu recomposer le puzzle. On va revenir dans le détail justement sur votre épopée à vous, Stéphane Rostin. Antoine d'Horizon, la découverte de ces cités antiques de 500 ans avant notre ère, est-ce que c'est un chapitre inédit de l'histoire de l'humanité que vous êtes en train d'ouvrir tous les deux ? Je pense que ouais, on peut parler de chapitre inédit. Ouais, c'est on est dans quelque chose d'une découverte qui est quand même exceptionnelle. C'est des éléments, un urbanisme, des routes qui traversent la forêt, qui maintenant traversent la forêt, mais qui à l'époque étaient connectées des villes entre elles. C'est quelque chose qui est absolument fabuleux et qu'on avait jamais identifié dans cette partie du monde, une partie du monde, Stéphane leur dira bien mieux que moi, une partie du monde où on a toujours vu des groupes relativement limités, des sociétés avec peu de personnes, surtout des chasseurs-cueilleurs qui ont un impact relativement limité sur la forêt. Là, on voit que on a des sociétés agricoles, donc des sociétés qui sont pas des chasseurs-cueilleurs semi-nomades. Là, on est sur des sédentaires, on est sur des gens qui sont bien installés et qui vont modifier intensément leur environnement, comme ce qu'on peut observer ailleurs sur le continent américain. Donc on se rapproche plus dans la façon dont vivent ces sociétés de Lupano, de ce qu'on a dans les Andes, de ce qu'on a aussi au Mexique, au Guatemala. Et ça change complètement, ça bouleverse notre perspective, notre entendement de ce qu'est l'archéologie amazonienne. C'est, je sais pas ce que t'en penses, Stéphane, mais je crois que... Oui, on a fait une grosse erreur en tant qu'archéologue pendant très longtemps. On s'est contenté de comparer les sociétés actuelles aux sociétés anciennes en disant ils ont toujours vécu comme ça. Et on n'a pas fait la même chose dans les Andes et au Guatemala chez les Mayas. On a bien vu que les populations actuelles étaient finalement les survivants d'un cataclysme qui a été l'arrivée des Occidentaux, des Européens dans le Nouveau Monde et qui a provoqué 85 à 90% de pertes chez les habitants par des virus qu'ils ne connaissaient pas et qui les ont détruits. Et donc, on sait, parce qu'il y a des temples et des pyramides dans les Andes et en Mésoamérique, qu'il y avait un autre type de vie auparavant. Et sur l'Amazonie, on n'a pas fait l'effort d'imaginer qu'il pouvait être différent avant notre arrivée, et on est resté jusqu'aux années 80 dans cette idée très confortable que finalement, rien n'a bougé depuis la préhistoire. Et c'était faux. C'était faux, mais avant les années 80, on a quand même dans les années 70 Juan Botasso, un prêtre qui remarque des structures, il en parle autour de lui, mais c'est vous, Stéphane Rostin, qui justement, dans les années 1996, vous me corrigez, c'est à votre tour de mener des fouilles, et c'est là que vous découvrez les premiers indices des monticules, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Alors, à vrai dire, Juan Botasso, il faut savoir, peut-être ce qui rapproche de l'épopée de Fossette, c'est le fait que cette vallée était une vallée perdue, une vallée oubliée. Pendant toute la colonisation de l'Équateur, personne n'est allé là parce qu'elle était occupée par des chouars qui sont des Aen Chicham, qui sont le nom autodénomination des Jivaro, les réducteurs de tête, et donc réputation de violence, de danger, personne n'allait là. Et dans les années 50, des curés ont commencé à venir, puis des colons de la montagne, et un de ces curés, qui a créé d'ailleurs une librairie, une maison d'édition pour la cause autochtone, a vu ces monticules. Il en parle à un autre curé qui s'empresse de s'attribuer la découverte et de faire quelques fouilles, mais enfin sans formation académique. Et finalement, le site, malgré son intérêt, repart dans l'oubli, parce que c'est vrai que dans les pays andins, on regarde d'un mauvais œil l'Amazonie, toujours avec cette idée de sauvagerie, donc on n'y va pas. Et c'est retombé dans l'oubli jusqu'à ce que j'aille créé, organisé un projet de fouille avec un collègue équatorien. Et nous avons fait pendant 7 ans, j'ai fait des fouilles là-bas. Après, j'ai continué à travailler sur le matériel. J'ai jamais arrêté de travailler sur le Loupano. Jusqu'au jour, j'ai enfin obtenu ce lidar qui avait été commandité par l'Institut du patrimoine équatorien. Et donc, qu'on a traité avec Antoine, qui est spécialiste de cette imagerie, de cet outil, hein, parce qu'il faut pas oublier que ce projet, cette découverte, elle est le fruit de deux choses, de deux outils de base, qui est la truelle d'une part et la machine à lidar d'autre part. Et c'est la conjonction de ces deux compétences qui a révélé ce qu'on voit aujourd'hui. Alors justement, ce qu'on a vu grâce à cette technologie, le lidar, comment ça fonctionne? En vrai, c'est pas trop compliqué, c'est un peu comme les outils de pointeur laser dans le bâtiment, Antoine d'Horizon. Ouais, c'est exactement ça. C'est généralement ce que j'utilise comme image pour expliquer ça en cours. Oui, c'est comme les pointeurs laser qui vont nous donner la distance qu'on a entre nous et un obstacle. Quand on pointe le laser, ça nous dit le mur, il est à 5 mètres. C'est exactement la même chose, c'est basé sur le principe de réflexion de la lumière. En fait, on mesure le temps que met la lumière à faire l'aller-retour jusqu'à l'outil. Et en fait, les lidars sur aéroportés, donc ceux qu'on utilise en archéologie, mais pour tout un tas d'autres pratiques, dans d'autres disciplines, c'est la même chose, sauf que c'est des lasers qui sont beaucoup plus grand, et on fait un balayage, donc on survole avec l'avion une partie de la surface terrestre, et puis on va faire ce balayage de tirs laser, en fait, inoffensif bien entendu, et ces tirs laser nous donnent plein de mesures, et l'avantage que ça a, c'est que vu qu'on travaille avec des ondes lumineuses, on va pouvoir passer une partie de la lumière, en fait, passe entre les interstices, entre les feuilles de la canopée. Ce qui nous permet ensuite, dans un logiciel, d'effacer la partie canopée, la partie forêt, en fait, numériquement, et d'avoir plus que ce qui se passe au niveau du sol, donc d'avoir une micro-topographie, en fait, une extrêmement précise. Et ça, c'est une technologie qui déshabille la terre de sa végétation et qui révèle le modelé exact du sol. Donc lorsque vous recevez ces données LIDAR, que vous avez accès à ces données en 2021, ça vous permet de passer d'une découverte locale à quelque chose de régional. Dans les années 90, vous aviez une centaine de monticules. Là, on passe à quelques milliers. Comment vous réagissez quand vous réalisez ça? Waouh. Ça a été ma première réaction. Je m'attendais pas à cette densité. Et alors pour pouvoir donner une image de ce qu'est une photographie, une imagerie lidar, j'aurais tendance à comparer avec la ce que tout le monde connaît, la surface de la Lune. C'est-à-dire qu'on déshabille complètement, et sur la Lune, quand on a des images précises de la Lune, on voit tout un modelé très précis, parce qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui apparaît sur cette imagerie. Et finalement, c'est ce qui arrive avec le lidar. On a une Terre complètement vierge de toute végétation, et on n'a que de la Terre. Et c'est vrai que si on cherche des structures construites par les humains, comme des plateformes, des routes creusées ou des grands monticules cérémoniels, ça prend un sens. C'est comme un plan en 3D qui apparaît sous les yeux. Et là, je savais par mes fouilles et mes prospections qu'il y avait quelques centaines de monticules, et en réalité, il y en avait quelques milliers. Pour l'instant, on en a repéré 6400, mais on estime qu'on n'a pas tout vu, tout n'est pas très visible, et il y en a sûrement beaucoup plus. Et puis surtout, il n'y a que 600 km² qui ont été... c'est déjà beaucoup, qui ont été survolés et photographiés. Si on regarde la topographie régionale, on s'aperçoit que ça va encore beaucoup plus loin. Donc on est finalement au bout du compte au-dessus de 1000 km², et on a encore beaucoup à découvrir. Mais rien que ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a 5 cités qui mérite le nom de cité, on a une quinzaine de grands villages, on est déjà sur un empire urbain tout à fait stupéfiant. Mais justement, sur cet empire urbain, Antoine d'Horizon, est-ce que ça vous étonne qu'on puisse encore faire ce genre de découverte sur notre planète et de trouver de nouvelles cultures complexes au XXIe siècle ? Alors oui, je vais pas vous mentir, c'est vrai que quand on a reçu les données et que j'ai commencé à les traiter, ma première réaction, ça a aussi été waouh, hein, c'est certain. Mais d'un autre côté, quand on regarde en fait la capacité des êtres humains à exploiter l'environnement et puis à se déployer, hein, j'aime bien aller de temps en temps regarder la Chine sur Google Earth, c'est stupéfiant les quadrillages qui sont développés là-bas, le quadrillage urbain. Et quand on regarde la taille que fait la forêt amazonienne, c'est quand même un espace qui est immense. Bah, c'est pas étonnant finalement qu'il y ait des choses qu'on n'a pas vues à l'intérieur de cet espace-là. Je dis ça parce que c'est une forêt qui est très dense, dans laquelle on peut pas forcément pénétrer, donc il y a beaucoup de choses à trouver. Mais aussi parce que ces données LIDAR, elles nous permettent de mettre en exergue des choses dans des zones où il n'y a pas de forêt. Si on utilise des données LIDAR qu'on a sur la France, en France, on arrive à montrer en dehors même des forêts qu'il y a des parcellaires anciens, donc des champs anciens qui sont cachés dans notre environnement. On les voit plus, on se rend pas compte qu'ils sont là, mais ils sont là. Et donc, qu'il y ait des aménagements aussi importants dans la forêt, finalement, c'est pas si étonnant que ça. Alors après, le contexte de Lupano est quand même un petit peu particulier parce qu'on est au bord des Andes et donc avec des relations avec des sociétés peut-être andines et une façon de voir l'environnement qui est un petit peu différente de ce qu'on a ailleurs dans la forêt. Mais je suis certain qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir en Amazonie et ailleurs. En attendant, à quoi ressemble ce site archéologique de Sangay? Sait-on à quoi pouvaient ressembler les sociétés de l'Amazonie préhispanique? Restez à l'écoute, on répond à ces questions dans quelques instants. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture, avec Stéphane Rostin et Antoine Dorizon, nous parlons d'archéologie amazonienne et de votre découverte exceptionnelle de ces cités antiques en Équateur, de ce réseau vieux de 2500 ans. On vient de parler de la technologie LIDAR, cette révolution en archéologie et des plus de 6000 monticules que vous avez fait apparaître grâce à ces technologies. Alors sur cette zone, on compte pas moins de donc 5 cités, une quinzaine de grands villages. Si on peut essayer de visualiser cette zone ensemble, comment se représenter, Stéphane Rostin, ce site archéologique? Alors pour ces sites, parce qu'il y en a plusieurs finalement, il faut quitter la vallée. Parce que si on compare le réseau routier d'il y a 3000 ans avec le réseau routier actuel, eh ben, il n'y a quasiment pas de route aujourd'hui. Et ce réseau était très dense il y a 2000-3000 ans, et aujourd'hui il y a deux routes principalement, et le réseau est plutôt faible. Donc il ne faut pas rester sur place, il faut aller ailleurs, dans d'autres régions du monde, où il y a une densification des villes et des voies de circulation pour s'imaginer. Il faut imaginer un coin de forêt qui a été en partie déforesté pour construire de grandes cités, de terre toujours. Hein. Ce sont pas des cités de pierre, faut bien le préciser. Et les édifices sont en bois, étaient en bois. Donc il faut imaginer ces espèces de puisque ce sont des rectangles qui vont de 20 à 50 mètres de longueur et plus ou moins haut. Il faut imaginer tous ces rectangles de terre un peu partout, qui font comme dans une ville. Ils sont en plus organisés dans un damier de rues creusées, donc visibles. Au centre, vous avez une espèce de grande avenue, ce que j'ai tendance à appeler les Champs-Élysées de Lupano, avec des gros tertres là. Alors, pour le coup, c'est 50, 100 mètres de longueur, voire plus, 8, 10 mètres de hauteur, sur lesquels on ne vivait pas, on ne construit pas sa maison à 10 mètres d'altitude, c'est idiot. Là, c'était pour faire des édifices publics, des lieux de réunion, de procession, de cérémonie, de danse, ce que les autochtones de la forêt aiment bien faire. On est dans des centres cérémoniels. Et donc, vous avez déjà une spécialisation des aires dans les cités, avec des parties résidentielles, des parties de circulation, des parties de cérémonie. Et puis, vous avez cerise sur le gâteau, j'ai envie de le dire, ou maïs sur le gâteau, des drains qui quadrillent encore plus les espaces vides pour drainer l'eau afin de cultiver entre les plateformes. Donc tout l'espace était utilisé. Et comme si ça suffisait pas, sur les flancs des cordillères adjacentes, ils ont fait des terrasses agricoles aussi pour cultiver. Donc ils ont modifié l'ensemble de la superficie de cette vallée pour les rendre plus attrayantes et plus utilisables à leurs yeux. On est dans de la grande ingénierie terrassière. Antoine Dourizon, quel est le caractère inédit de ce site par rapport aux autres sites archéologiques amazoniens ? Alors, par rapport aux autres sites amazoniens, je pense qu'il faudra aussi demander à Stéphane, hein, parce qu'il est quand même beaucoup plus calé que moi là-dessus. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que les sites amazoniens qu'on connaissait jusque-là, n'ont pas cette morphologie-là. Le fait d'avoir des rectangles, ces plateformes qui sont donc des rectangles au sol, qui s'organisent par groupes de 4, 5 autour d'une place, ça c'est une morphologie qui est bien spécifique à cette vallée de Lupano, alors que dans le reste de l'Amazonie, on va plutôt retrouver par exemple des sites annulaires qui sont en plus, pour la plupart, même tous, beaucoup plus récent, hein. Là on est au début de notre ère avec les sites de Lupano, alors que les grands sites de terre qu'on connaît ailleurs en Amazonie sont généralement plutôt datés de l'an 1000, voire après, hein. Tu me corriges Stéphane si j'ai des bêtises. C'est ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre cette région en perspective avec plus largement, au-delà de l'Amazonie, avec ce qu'on observe ailleurs, parce que j'ai l'avantage, la chance d'avoir travaillé aussi au Mexique, dans l'ouest du Mexique et dans le sud du Mexique, au Guatemala, donc dans les régions mayas et puis des régions qui sont aussi contemporaines des Aztèques. Et ce que j'ai pu observer, les patrons, les façons dont on organise l'espace dans ces zones-là, c'est différent. Il y a des points de comparaison, mais dans Lupano, notamment, les connexions, les routes et disons le fait que les routes courent sur des kilomètres tout droit et se coupent à angle droit, ça c'est un patron qui est absolument exceptionnel et unique. J'ai jamais observé ça, même dans la zone maya où pourtant on a des connexions entre les routes, hein, on a des routes qui vont entre sites, mais cette organisation orthonormée, c'est exceptionnel et c'est il y a que dans Lupano que j'ai vu ça. Oui, et puis à New York. Et à New York. Justement, pourquoi faire ces routes toutes droites sur 25 à 30 km qui coupent les collines, s'enfoncent dans les ravines alors qu'on marche assez facilement dans la forêt ? C'est que ça a une portée symbolique tout ça. Oui, alors évidemment la première idée des routes c'est fonctionnel, hein, c'est marcher jusqu'à chez le voisin, mais les autochtones connaissent parfaitement ce terrain, ils sont nés là et ils ont vécu depuis des milliers d'années, ils n'ont pas besoin de routes et encore moins de routes creusées jusqu'à 5 mètres de profondeur, jusqu'à 13 mètres de largeur. Enfin, c'est des grosses routes, c'est presque des autoroutes pour marcheurs. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc, cette idée de les faire des routes droites m'a turlupiné pendant un temps. Et je pense qu'elle représente, à vrai dire, ils ont essayé de symboliser, de graver dans la terre les relations interethniques entre villages. Et on fait une route droite pour dire, voilà, vous êtes nos amis. Alliés, et nous avons des échanges particuliers et je pense que c'est un peu dans la mentalité amérindienne de graver son identité dans la terre. Et d'ailleurs, ça me rappelle ce qu'on va trouver en Brésil central, justement là où était Fossette, où vous avez des villages dits annulaires, donc c'est un cercle de grandes maisons, et de là irradient des routes très larges qui font 40 mètres, jusqu'à 40 mètres de large, qui ne sont pas creusées, mais elles partent toutes droites aussi dans les villages voisins. Et c'est 40 mètres de large pour marcher, ça n'a pas de sens. C'est juste pour imprimer dans la terre ce tissu relationnel qui est si important en forêt. Antoine Dourizon, aussi, on peut aussi penser à une dimension cosmologique. Alors oui, ça c'est un aspect qui est très intéressant. Pour l'instant, on est vraiment au tout début de cette réflexion-là, parce que on se rend à peine compte pour l'instant qu'il y a ces espèces de patrons orthonormés. Mais il est vrai que si on se déplace et qu'on va dans des zones que je connais un petit peu mieux, si on va dans le bassin de Mexico et qu'on regarde le site de Teotihuacan, qui est un très très grand site mexicain du début de notre ère, le site de Teotihuacan, c'est un site qui a été pensé, et ça a été prouvé par les recherches archéologiques, qui a été pensé comme un cosmogramme. C'est-à-dire que le site s'organise en fonction d'un plan orthonormé, avec un axe nord-sud, un axe est-ouest, et toute la cité se développe autour de cet axe. Dans Lupano, on n'a pas la même agglomération, on n'est pas sur la même densité agglomérée, Mais il n'empêche que on a ces routes qui sont creusées et qui se coupent à angle droit avec des axes bien nets qui sont dessinés, des axes qui sont pas forcément complètement nord-sud. Hein, l'axe principal majeur, c'est une vingtaine de degrés, une trentaine de degrés par rapport vers l'est par rapport au nord. Je sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, le fait d'avoir cette axialité, ça montre déjà de la planification, mais ça va peut-être plus loin aussi oui. que des connexions entre sites. Peut-être qu'il y a une symbolique qu'on essaye d'imprimer aussi dans le sol. Qui pourrait être liée à l'astronomie, puisque dans beaucoup d'endroits, encore aujourd'hui, de l'Amazonie, on va trouver des organisations de l'espace et du territoire en fonction des constellations les plus importantes. Alors, en Amazonie, on ne voit pas l'étoile du Nord, hein, l'étoile du Berger, on ne la voit pas. On voit parfois la Croix du Sud, mais on s'oriente sur d'autres constellations, comme par exemple la constellation d'Orion, qui est à cheval, selon l'emplacement, à cheval sur l'équateur, et ça peut régir complètement l'organisation d'un territoire. Et on a commencé avec Antoine à regarder les cieux de l'époque, d'il y a 2000 ou 3000 ans, pour voir s'il y avait une orientation privilégiée par rapport aux constellations que les autochtones considèrent comme décisives. Par rapport à ces 6000 plateformes interconnectées, autre chose, Antoine d'Horizon, c'est le caractère de ville-jardin est aussi très important. Oui, bah ça c'est un aspect donc qu'a évoqué déjà Stéphane. Ça c'est assez phénoménal effectivement d'avoir il y a une composante agricole qui est extrêmement importante dans l'ensemble du paysage. Stéphane a parlé de champs drainés. Et effectivement, des champs drainés, on en a sur des hectares et des hectares et des hectares. Donc, il fallait bien nourrir cette population. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai une affection particulière pour l'archéologie agraire, l'archéologie de l'agriculture. Et en plus, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça a une résonance avec notre actualité. On est dans un monde urbain qui devient de plus en plus urbain. 50% de la population, je pense, qui est urbaine maintenant, plus. Et justement, les grandes questions d'aujourd'hui, c'est de savoir comment réinjecter un peu de forêt, un peu de verdure, un peu de respiration à l'intérieur de nos cités actuelles. Et là, on a un exemple ancien où on a des cités où la verdure, l'environnement, la nature est à l'intérieur de la cité. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut prendre le modèle amazonien et le balancer à Paris ou à Londres, hein, bien entendu, hein, ce serait absolument idiot. Mais en tout cas, avec ce type de découverte, on a des exemples qui nous donnent un recul sur notre actualité, des exemples de cités anciennes, des cités jardins, qui ont fonctionné pendant au moins 1000 ans et qui ont soutenu une population importante. Donc, pour regarder notre actualité et le futur, Il faut regarder le passé. Et archéologiquement, justement, vous avez retrouvé des restes botaniques. Quel type de cultures agricoles vous avez découvert? Alors ça, c'est dans les fouilles. On a trouvé sur des outils pour moudre, par exemple, ou dans des poteries, des grandes poteries pour cuisiner ou pour consommer. On a trouvé ce qu'on appelle des phytolithes. C'est des micro-grains qu'on va retrouver dans les plantes et qui se préservent dans le temps et dans les anfractuosités des outils. Beaucoup de maïs. On a même trouvé des grains de maïs écrasés contre les parois des céramiques, brûlés et écrasés. Donc on sait qu'ils ont consommé beaucoup de maïs, comme de nos jours d'ailleurs. Le maïs, il est consommé pas sous la forme de pop-corn ou de chocolat, comme aujourd'hui, mais essentiellement broyé pour en faire une boisson. Très légèrement alcoolisé, comme le cidre à peu près, et qu'une boisson épaisse et qui sert de déjeuner. Vous en buvez un ou deux litres à déjeuner et vous êtes rempli. On appelle ça la chicha. Et donc en haute Amazonie, c'est ce qu'on consomme beaucoup. Donc il y avait du maïs en premier lieu, mais aussi d'autres plantes comme le manioc, les ignames, le haricot, et puis des fruits, beaucoup de fruits cueillis dans la forêt ou dans les jardins alentours justement. Et puis ce qu'on oublie souvent, qui est très important en Amazonie, des plantes de pharmacopée pour la médecine et des plantes qui guérissent. Donc tout ça, on a retrouvé ces vestiges ces traces, ces éléments sous forme de graines ou de petits grains dans les fouilles archéologiques. Vous m'avez donné envie de goûter à la chicha. À quoi ressemblaient ces sociétés précolombiennes? Restez à l'écoute, on en parle après ce son mythique de l'Amazonie. Zango, les sons mythiques de l'Amazonie compilés par Magalhaes en direct sur France Culture, car nous parlons de l'histoire de l'Amazonie préhispanique avec la découverte de cités antiques avec nos deux invités du jour, Stéphane Rostin, archéologue, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Archéologie des Amériques, et avec Antoine Dorizon, archéologue spécialiste de la télédétection LIDAR, au laboratoire Archéologie des Amériques, dans l'équipe d'archéologie environnementale. Nous venons de parler de cette découverte, de ces découvertes archéologiques de ces 30 dernières années qui ont radicalement changé l'idée que l'on se faisait de l'Amazonie précolombienne. On sait désormais donc qu'elle était densément peuplée, largement domestiquée. Sait-on à quoi devait ressembler cette société, Stéphane Rostin ? On a quelques indices, et le premier, c'est simplement l'existence de ces cités. On sait par l'histoire du monde qu'une cité, elle est forcément construite par une société déjà stratifiée, spécialisée. Vous avez besoin de spécialistes pour construire une ville. Et donc, on n'est pas dans les sociétés sans chef qu'on trouve aujourd'hui en Amazonie, mais dans un autre type de société, puisque vous aviez besoin quand même de terrassés, d'ouvriers pour creuser ces routes, ces plateformes, vous aviez besoin de géomètres pour orienter tout ce système urbain, les routes vers les voisins, route droite, donc il fallait savoir viser. Et pour nourrir ces gens-là, vous aviez besoin de fermiers qui cultivaient à côté pour leur donner cette fameuse chicha, bière épaisse de maïs. Et pour la protéine, on peut imaginer qu'il y avait assez peu de faune qui avait été tuée parce qu'on est sur des sociétés très denses dans la vallée, donc il fallait aller pêcher, donc faut descendre les terrasses de Lupano qui culminent à 70-100 mètres, donc c'est toute une expédition pour aller chercher du poisson. Il fallait des prêtres ou des chamans pour organiser les cérémonies dont on a parlé, probablement des chefs ou des rois. Et puis, il fallait aussi des marchands, parce que ces sociétés-là, elles ont commercé avec d'autres régions, notamment avec les Andes, ou au nord, ou au sud. Donc, vous aviez une spécialisation de certaines tâches dans la forêt, qui va rappeler ce qu'on va trouver en Mésoamérique, d'ailleurs, avec des villes et des spécialistes. Vous aviez des artisans aussi, pour produire beaucoup de céramique qu'ils produisaient. Donc, ce sont des sociétés assez complexes, et pourtant, d'après la taille des monticules qu'on a fouillés, des plateformes, il semble que c'était plutôt des résidences familiales qu'on avait sur ces plateformes. Donc c'était une organisation assez comparable à celle d'une ville développée, d'une ville complexe. Antoine Dorizon. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites quand même par Stéphane. Ouais, c'est effectivement une société, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans une société d'agriculteurs sédentaires, donc véritablement des choses qui sont comparables à ce qu'on a dans les Andes, à ce qu'on a en Mésoamérique, donc au Mexique, au Guatemala. Et des sociétés qui sont hiérarchisées. Alors malheureusement, pour l'instant, on n'a pas des fouilles qui nous permettent d'avoir des tombes, des choses comme ça, pour identifier des gens qui auraient plus de prestige dans leur tombe, des choses comme ça. Il est assez difficile d'identifier hein, tous les spécialistes dont Stéphane a parlé pour l'instant. Mais on a quand même ces preuves qui sont à la fois les constructions elles-mêmes. Et puis, je voudrais revenir peut-être un tout petit peu sur la céramique. La céramique de cette région, elle est beaucoup connue pour sa céramique avant d'être connue, pas maintenant, elle est connue par les cités. Mais c'est vrai que la céramique, elle est magnifique. C'est une céramique qui est très très belle avec des tonalités de rouge, de noir, de blanc, avec une décoration qui est extrêmement riche et qui a été exportée dans une, comment dire, une aire qui est assez vaste autour de cette zone. Donc il y avait des contacts. C'était pas une société, à l'époque c'était pas une lost city, c'était pas une cité perdue. Elle était connectée avec le monde extérieur. Ça c'est évident et c'est une perspective de recherche. C'était un centre. Plus à l'époque qu'une périphérie comme aujourd'hui. Exactement. Qu'est devenu le peuple qui habitait la vallée? Leur culture disparaît brusquement après un millénaire, autour de 400-600 ans. Une des hypothèses du déclin et de la disparition de cette civilisation est l'activité volcanique, notamment celle du volcan Sangay qui surplombe la vallée de Lupano, qui aurait pu, à cette période, entrer en éruption avec des conséquences dramatiques pour les habitants. Pour sonder cette énigme, la piste des volcans peut donner des indices tangibles. Pour le reportage du jour, Céline Ozen, c'est ce que vous êtes partie découvrir au laboratoire Archéologie des Amériques de l'Université Paris. Bonjour Céline. Bonjour Natacha. Oui, on sait que les sociétés précolombiennes ont vécu au cours de l'Holocène des puissantes éruptions volcaniques autour de la cordillère des Andes. En Équateur particulièrement, le territoire est peuplé de volcans dont l'activité a façonné les paysages et conditionné les modes de vie. Agustín Páez, en doctorat, étudie les conséquences de ce volcanisme sur les systèmes agricoles précolombiens. En mêlant archéobotanique, analyse des sédiments et histoire culturelle, il examine les processus de régénération post-éruptive de la végétation et par conséquent la capacité de résilience des sociétés disparues. Dans le cas des sociétés précolombiennes de la côte, dans mon étude, c'est vraiment comprendre quelles différences on pourrait retrouver par rapport à l'influence volcanique sur leur développement, sur l'évolution, selon les différents contextes culturels et environnementaux. C'est-à-dire, il y a des sociétés qui travaillaient, qui avaient des systèmes agricoles plutôt, systèmes classiques sur plaine alluviale, donc très susceptibles par exemple aux retombées volcaniques. Mais il y avait aussi des sociétés qui travaillaient une agriculture plutôt forestière dans zone haute, ou des terrasses aussi, qui étaient assez présentes dans la côte et dans la Sierra. Et donc c'est comprendre comment ces différents paramètres ont guidé cet abandon ou continuité des sites par rapport à l'évolution post-éruptive. La question du volcanisme en général et comment il se relie aux sociétés, à l'environnement, elle peut être vraiment étudiée par une gamme énorme d'approches et d'optiques multidisciplinaires. Moi, j'ai choisi l'archéobotanique. Le monde végétal, il est très susceptible aux changements et aux transformations profondes qui peuvent être donc associés à ce type d'événements catastrophiques. De quelles données vous partez pour étudier un problème en botanique? Est-ce que c'est de la palynologie? Est-ce que c'est des sédiments? Est-ce donc que c'est des fossiles de végétaux? C'est deux types de restes botaniques à la base. C'est des restes intracologiques, c'est-à-dire de restes de charbon de bois. Il s'agit pour les restes intracologiques de les identifier à niveau macroscopique et identifier leur espèce. On utilise une collection de références prises donc des espèces d'arbres modernes. On utilise ça donc pour les identifier et ça nous permet de voir dans ce cas pour comprendre comment le volcanisme a pu affecter le milieu végétal et essayer de déterminer les temps de régénération de celui-ci. Parce que en Équateur, c'est un pays avec un volcanisme tellement intense que à travers la séquence d'occupation et le registre stratigraphique, il y a pas mal de périodes de hiatus culturels sur différentes régions. Je vais vous montrer une carte ici. Ça, c'est la carte de l'Équateur. Ouais. Elle est divisée en trois régions, l'Amazonie, la montagne et la côte. Et le volcanisme est tellement intense qu'on peut trouver des retombées de tous les côtés. Dans tous les côtés. L'Amazonie, un peu moins, parce que les conditions géographiques et climatiques font que La plupart des dépôts volcaniques vont plutôt sur l'ouest du pays. Et donc, ça empêche plus d'avoir d'autres types de dépôts d'origine éruptive. Quand on s'intéresse aux éruptions volcaniques, est-ce qu'on arrive à retrouver des événements, des éruptions, à des dates clés qui pourraient, par rapport à la civilisation qui nous intéresse, relier à des causes de disparition? En fait, c'est ce qu'on appelle la téfrachronologie. Téfrachronologie, c'est... En Équateur, par exemple, il y a une série de plusieurs éruptions, une douzaine d'éruptions qui ont été très bien identifiées d'un point de vue pétrochimique, mais aussi elles ont été très bien datées, donc elles servent comme des marqueurs chronologiques qui sont assez fiables, qui donc nous permettent de vraiment relier la stratigraphie, les séquences d'occupation à des événements ponctuels. Donc oui, on peut relier les stratigraphies à des chronologies exactes, ça peut être parfois... un peu compliqué, selon les différents cadres environnementaux et culturels. Et parmi les matériaux que vous étudiez, il y a les phytolithes? Oui, les phytolithes, c'est des restes de silice qui ont été créés par des processus chimiques à l'intérieur des plantes. Et donc, ça nous permet aussi de faire des identifications taxonomiques. Et dans ce cas, c'est dans le cadre de mon étude, au moins, c'est pour aussi identifier les plantes qui étaient exploitées, enfin, plantes domestiquées, mais aussi sauvages, qui étaient exploitées par les populations avant et après les éruptions. Essayer de comprendre s'il y a eu des changements dans l'exploitation du milieu, enfin de la végétation, et comment cette exploitation a pu permettre ou pas pour ces sociétés de survivre et de combattre les effets nocifs des éruptions. Alors là, on a une photographie d'un site, c'est où ça? C'est le site de Rumipamba, c'est un site, c'est un musée de sites avec plusieurs unités de fouilles qui sont encore ouvertes au public. Rumipamba, c'était un site vraiment multifonctionnel avec des ateliers artisanaux, de textiles par exemple, de poterie. Et donc c'était très intéressant parce que ici on peut voir la corrélation entre le tableau et la stratigraphie. Il y a plusieurs niveaux de. On est dans une unité de fouilles, dans une fosse de à peu près 5 mètres pour 5 mètres. Dans la fosse, on a un mur de terre cuite. C'est donc le site de Rumipamba. On a un mur de terre cuite et des sols aussi en terre cuite qui donc attestent d'une structure d'habitation avec aussi de trous de poteaux et des structures de cuisson. Et la présence d'une agglomération de roches et de pierres qui a son origine dans un lahar du Pichincha, un lahar qui est assez récent. Et donc, la photo suivante, c'est vraiment la coupe stratigraphique avec plusieurs niveaux. Qui correspondent à différents éléments. Le niveau de sol correspond donc à l'occupation du site de la période formative, à peu près il y a 1800 avant Jésus-Christ. Et après, on a une succession de niveaux de dépôts qui vont s'accumuler sur le temps. Et entre ces niveaux, il y a 4 dépôts volcaniques qui correspondent surtout à des éruptions du volcan Pichincha sur différentes périodes. Et donc, une fois étudiés les restes de phytolithes intracologiques de cette coupe, on pourra essayer de retracer un peu cette évolution post-éruptive de la végétation afin de comparer aussi comment ça a pu changer entre événements et contexte. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Stéphane Rostin, une réaction à ce qu'on vient d'entendre? Oui, l'hypothèse volcanique a été une des premières à apparaître, puisque durant les fouilles que j'ai menées en 97, si j'ai bon souvenir, j'avais trouvé au-dessus du sol d'occupation sur le sommet des plateformes une couche noire très épaisse, de 40 cm d'épaisseur et très noire, et qu'un pédologue m'avait évalué être des cendres volcaniques. Donc ça a expliqué, puisqu'à partir de 600 de notre ère, on n'a plus une seule datation dans la vallée de Lupano, donc un abandon total de la vallée de Lupano. Et donc, je pouvais expliquer ça sous une forme de Pompéi tropicale, était une très belle explication qui m'avait séduit. Mais après, je suis retourné avec un vulcanologue, et même si c'était tentant de... Surtout qu'il faut savoir que le Sangay est très actif, est un des volcans les plus actifs du monde, et il crache de la fumée et de la lave en permanence. Donc, évidemment, on peut pas échapper à ce volcan. Depuis toute la vallée, on le voit, il domine, il est à plus de 5000 mètres d'altitude. C'est vraiment quelque chose de très visible. Et donc, on a daté plusieurs autres couches noires dans la région qui pouvait correspondre à cette méga éruption qu'on supposait. Et on a eu une grande diversité de datations, peu de datations parlant, plaidant pour une seule éruption, mais plutôt plein d'éruptions. Donc l'hypothèse volcanique est un peu affaiblie. Ce qui a pu se passer, c'est qu'il y a eu une série d'éruptions à un certain moment, qu'on n'arrive pas à voir dans les datations, qui auraient découragé les habitants et forcé les habitants à fuir plus au sud. C'est une des hypothèses, mais le volcanologue n'y croit pas beaucoup. Il peut avoir des raisons climatiques aussi. En Amazonie, on a eu des forts changements climatiques liés au Niño. Vous savez, le phénomène du Niño, donc qui change la température de l'océan Pacifique et provoque des pluies dans certains endroits et des forts ensoleillements dans d'autres endroits. Et ça peut déstructurer des sociétés agricoles dont toute l'économie repose sur l'agriculture. Et on a plusieurs exemples en Amazonie de sociétés qui sont détruites par ça. Donc peut-être une hypothèse. Et puis j'en propose une autre, parce que c'est pas la guerre. Ça, on sait que comme il n'y avait plus de datation, il n'y avait plus personne dans la vallée, donc ni vainqueur ni vaincu. Mais peut-être simplement l'épuisement d'une civilisation, comme les civilisations une durée de vie, hein. Beaucoup de civilisations s'épuisent au bout d'un moment, c'est peut-être tout simplement l'histoire humaine qui s'est arrêtée. Ces habitants, par la suite, auraient alors peut-être pu partir vers le sud, au Pérou, on leur trouve des céramiques similaires à celles du panneau. Nous n'avons pas d'explication ferme à proposer pour le moment, mais la recherche poursuit. Quelle est donc la portée anthropologique d'une telle découverte? On en parle dans quelques instants. France Culture. La science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture avec Stéphane Rostin et Antoine Dorizon, nous parlons de votre découverte, celle en plein cœur de la forêt amazonienne d'un réseau urbain vieux de 2500 ans. Stéphane Rostin, cette découverte contredit donc complètement cette idée reçue d'une forêt amazonienne précolombienne vierge. Montrer que la forêt amazonienne, n'est pas une forêt vierge, ça c'est quelque chose, c'est votre combat depuis plus de 10 ans. Oui, j'ai même appelé un de mes derniers livres, La forêt vierge d'Amazonie n'existe pas. Et dans le tout dernier livre, Que sais-je, sur l'histoire de l'Amazonie, je montre qu'il y a eu des grandes sociétés en Amazonie. On a des preuves et il faut le faire savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis 500 ans, depuis qu'a débarqué Christophe Colomb dans le delta de l'Orénoque et qui a pensé avoir trouvé le paradis terrestre, on considère cette forêt comme un lieu de sauvagerie. Et là où la main de l'homme n'a jamais mille pieds, finalement. On est resté jusqu'à nos jours avec cette idée de sauvagerie dans la forêt. Et on n'a pas voulu admettre, on a toujours pensé que ça avait été toujours comme ça, des petites sociétés perdues. En réalité, la nouvelle archéologie qui observe tant le paysage que le sous-sol, que la végétation, s'aperçoit qu'il y a eu des grandes sociétés. Et c'est vrai que cette découverte d'une urbanisation sylvicole, tropicale, révolutionne un peu ce qu'on pensait savoir, et en tout cas confirme que les sociétés précolombiennes, les sociétés d'avant l'arrivée des Européens, avaient pu se développer, sauf qu'ils ne sont pas développés comme nous, comme ils n'avaient pas de pierre à disposition. Ils ont vécu avec des matériaux dégradables. La terre, c'est pas très visible, les maisons en bois. Et donc, ils n'ont pas fait des monuments tels que des basiliques Saint-Pierre ou des Notre-Dame tropicales, comme on voudrait. Et donc, ils ont pas. Et l'exemple le plus terrible, c'est que l'UNESCO n'a classé aucun site autochtones de l'Amazonie jusqu'en 2018, puisque ce n'était pas, ils n'avaient pas le droit de rentrer au panthéon des grands sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Mais comme vous dites, en 2018, l'UNESCO inscrit pour la première fois ce site archéologique, le parc national de Chiribiquette, au patrimoine mondial. Ce classement, ça témoigne quand même d'un intérêt nouveau pour les vestiges de la région. Alors oui. Et c'est surtout un renouveau de l'archéologie. J'ai publié en 2017 avec un collège de spécialistes de l'Amazonie un livre que j'avais appelé Les 7 merveilles de l'Amazonie de l'Amazonie précolombienne, où je montrais qu'il y avait des monuments en Amazonie de tout type qui méritaient d'être inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Donc un an avant que ce soit décidé par l'UNESCO. Il était en espagnol, mais il va sortir cette année de nouveau en français, à Paris. qui montre qu'il y a des monuments tout à fait admirables, mais ils sont une autre pensée, une autre façon de voir le monde qui n'est pas la nôtre. Il faut pas oublier que quand même les Amériques, c'est un continent peuplé depuis plus de 13 000 ans et qui a connu une évolution totalement indépendante de celle qu'on connaît dans le vieux monde, dans l'Europe, l'Afrique ou l'Asie. Et donc, c'est des modes de pensée qui sont fondamentalement différents. Les gens ne conçoivent pas le monde, en Amérique, comme ils le conçoivent dans le vieux monde. Et donc, ils ont une autre approche de la nature, une autre approche d'interconnexion avec la nature qui nous échappe et qu'il faut apprendre en les écoutant déjà et puis après en fouillant leur passé, qu'il faut apprendre à accepter. Alors, dans les années 80, vous étiez moins de 10 à faire de l'archéologie en Amazonie. Antoine Dorizon, depuis les années 2000, on voit que le nombre d'archéologues a explosé, qu'il y a un réel dynamisme en archéologie amazonienne. Alors je suis très mal placé pour en parler, étant donné que, enfin moi je fais partie de ce dynamisme, mais depuis très récemment, hein, puisque c'est depuis 2021 quand Stéphane m'a invité à travailler avec lui que j'ai commencé à m'intéresser à l'Amazonie. C'est l'exemple même de. Je suis l'exemple même, effectivement, de cette avancée. Mais je pense que pour rebondir sur ce que disait Stéphane juste avant, on est aussi dans une époque où on commence à questionner nos paradigmes occidentaux, nos façons de concevoir le monde occidental et de se dire que peut-être que la distinction qu'on fait nettement dans le monde occidental entre la nature et la culture, c'est-à-dire ce qui est humain et ce qui n'est pas humain, bah, c'est quelque chose qui est en train de changer un petit peu. On se dit que dans d'autres sociétés, notamment les sociétés amérindiennes, on a une vision qui est différente où nature et culture ne sont pas séparées du tout. Et ça, c'est ce que met en avant le dernier auteur de l'article qu'on a publié, qui est Philippe Descola. Et le fait qu'il ait publié son livre Par-delà nature et culture en 2005 et puis récemment avec Les formes du visible, enfin, il participe, il fait partie de cette génération d'anthropologues, enfin cette tradition d'anthropologues à la suite de Lévi-Strauss qui permettent de déconstruire un petit peu ces préconceptions qu'on a où nature culture sont séparées dans beaucoup de sociétés du monde et probablement énormément de sociétés qu'on étudie en archéologie, nature et culture n'étaient pas séparées. L'idée qu'une partie de la forêt amazonienne a été produite par l'action de l'homme, en effet, Philippe Descola fait partie des premiers à avancer cette idée-là dans les années 70. Alors aujourd'hui, Stéphane Rostin, il y a une réelle complexité aussi à mettre en place ce genre d'études. D'ailleurs, vous avez toujours travaillé en collaboration avec des chercheurs équatoriens. L'archéologie, c'est aussi une science importante pour la construction d'une identité nationale. Oui, et puis peut-être, alors je m'attendais pas à ça, mais c'est vrai que l'Équateur, où j'ai vécu 10 ans, où je me suis marié là-bas, donc j'ai vraiment de l'affection pour ce pays, passe par des moments très difficiles, puisque les narcotrafiquants ont un peu capturé, kidnappé le pays entier, et maintenant on en parle beaucoup pour les atrocités qui sont commises. On est passé l'année dernière à plus de 5000 assassinats dans ce petit pays, ce qui est énorme, et récemment ça a pris des proportions catastrophiques, et l'article est sorti le 12 janvier dans la revue Science, c'est-à-dire le lendemain du jour où a été pris en otage un studio d'enregistrement de la télé. Et donc, on est parti dans une série de mauvais événements jusqu'au jour où est sortie la découverte d'une grande ville en Amazonie équatorienne. Et les retours que j'ai eus, c'est que les gens sont très fiers. Et surtout, ça a été une bouffée d'oxygène dans cet océan de marasme et de tragédie où, à un moment, il y avait enfin une bonne nouvelle dans le pays. Et ça a beaucoup plus circulé, d'ailleurs, par les réseaux que par les journalistes. Mais en tout cas, c'est sûr que c'était plutôt une bonne nouvelle pour le pays. Dans quelques instants, on va quitter l'Amazonie pour rejoindre la chronique avec science. Mais avant ça, pour prolonger l'écoute, je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, à vous tourner vers votre livre, Stéphane Rostin, paru en 2021, « La forêt vierge d'Amazonie n'existe pas » aux éditions Le Pommier. C'est un ouvrage passionnant. Merci Antoine Dorizon, merci Stéphane Dostin. Il est temps à présent de retrouver Alexandra Delbo. À quoi ressemblait vraiment le mégalodon ? C'est la chronique avec science. À quoi ressemblait vraiment le mégalodon ? Cet immense requin disparu fascine toujours par la taille de son corps et par celle de ses dents. Et c'est d'ailleurs ce qui lui a valu son vrai nom, Autodus mégalodon, des mégadents de 20 cm de long et de large pour les plus grosses d'entre elles, soit l'équivalent de vos deux pommes de main mises côte à côte. Des appendices monstrueux qui font de lui le plus grand carnassier qui ait vécu dans l'océan jusqu'à présent. Et ses dents sont en fait presque les seuls restes qui ont traversé les âges. Et cela pose problème pour la reconstitution de son corps. Romain Vulot est chargé de recherche CNRS au laboratoire géosciences de l'université de Rennes 1. Autodus mégalodon, effectivement, il est très fréquent, très répandu. On le trouve en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, un peu partout dans le monde, en Asie. Donc il était très répandu. Il a vécu en gros de 15 à 3 millions d'années. Donc c'est un requin relativement récent dans l'échelle des temps géologiques. Effectivement, alors le problème, c'est qu'on ne connaît principalement de cette espèce que les dents, excepté quelques éléments du squelette, c'est-à-dire quelques vertèbres qui ont pu être retrouvées. Mais c'est vrai que c'est principalement des dents. Donc voilà, grâce à ces dents, on connaît sa distribution cosmopolite. Alors on sait que c'est un gros prédateur, bien sûr, mais on ne connaît pas la morphologie générale de cet animal. Donc c'est ce qui pose problème, justement, dans la reconstitution. À quoi il ressemblait vraiment ? Est-ce que c'était un requin qui avait une allure de requin blanc ou une autre allure ? Se servir du grand requin blanc pour reconstituer la morphologie d'Odontus mégalodon n'est pas dénué de sens. Ils font tous les deux partie du grand groupe des lamniformes avec un rôle écologique semblable puisque ce sont des super prédateurs. Ils se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire mais ils ne se ressemblent pas vraiment, notamment au niveau des dents. Elles sont triangulaires et bien tranchantes mais leur morphologie n'est pas identique. Et ça s'explique notamment par le fait que les deux espèces font partie du même groupe, oui, mais pas de la même famille. Elles ont divergé il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Et si les dents ne sont pas semblables, on peut imaginer que le reste du corps ne le soit pas non plus. Alors, pour rétablir la bonne morphologie de ce grand carnassier, il ne s'agit pas ici de la découverte d'un nouveau fossile, mais du réexamen de vieux restes. Et c'est très courant en paléontologie. Cette centaine de vertèbres appartiennent au même spécimen. Elles ont été découvertes dans l'ancienne mer du Nord, vers Anvers, et décrites pour la première fois en 1996. Et résultat de cette étude, si on met ces vertèbres côte à côte, l'individu mesurait au moins 11 mètres de long, ce qui entre en contradiction avec une autre méthode de calcul basée sur le requin blanc. La méthode, en fait, pour essayer de reconstituer en général des longueurs de requins à partir de vertèbres isolées, on se sert d'équations qui utilisent le diamètre des vertèbres. Et à partir du diamètre des vertèbres, donc ce que l'on peut mesurer sur des fossiles, on a des équations basées sur l'actuel requin blanc qui permettent de donner la longueur de l'animal. Et en utilisant cette équation-là, avec le diamètre des vertèbres d'Autodus mégalodon, on obtient une longueur de 9,20 m, ce qui est à peu près 2 mètres en dessous de la longueur que l'on mesure en faisant la somme de l'épaisseur des vertèbres. Donc, ça nous a permis de nous rendre compte, en fait, que l'utilisation de cette équation-là, basée sur le requin blanc, ne fonctionne pas, n'est pas applicable pour le mégalodon. Et donc, que le mégalodon avait une colonne vertébrale beaucoup plus fine proportionnellement que ne l'est celle du requin blanc actuel. D'où nos conclusions, cette simple observation permet de dire que l'Autodus mégalodon avait une silhouette certainement plus élancée que celle du requin blanc, qui lui est un peu plus trapu, plus massif, et a donc des vertèbres proportionnellement d'un diamètre plus grand. Mégalodon était donc bien plus svelte que son très lointain cousin et s'appuyait par habitude sur la morphologie de ce grand requin blanc a donc faussé les reconstitutions de sa silhouette. Mégalodon était donc bien plus svelte que son très lointain cousin. Ces nouveaux résultats amènent bien sûr de nouvelles questions. Si son corps ressemblait moins au requin blanc, qui est particulièrement adapté aux attaques à grande vitesse, quel était le mode de chasse de Mégalodon ? Et puisque les deux espèces ont vécu un moment ensemble, sont-elles entrées en compétition ? Est-ce que cela a joué un rôle dans sa disparition. Il va donc falloir regarder le mégalodon avec un œil nouveau. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Garance Prima Agnolo, Bruno Sansini, Céline Lozen. À la réalisation, Cassandre Puel. À la technique aujourd'hui, Ruben Carmazine.